Bonjour mes amis, et ce matin on entreprend le chapitre 17 de l'Évangile de Luc. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, instruis-nous encore par ce chapitre ce que tu voulais nous dire en ce qui concerne Israël, aussi tout le monde sur cette planète. Mais spécialement ici, surtout Israël. Si on comprend bien ce que Jésus a dit à Israël, on va bien comprendre ce qu'il dit à nous autres aussi, qui font partie des autres peuples de la terre. Si on comprend pourquoi tu as condamné Israël, on va comprendre aussi pourquoi tu vas condamner les nations. Donc, montre-nous encore une fois cette vérité aujourd'hui. Amen. Il faut se rappeler que Luc a écrit à Théophile, une autorité romaine. Et le but, c'est que Luc dit, « Je veux que tu sois certain que ce que tu as entendu est vrai. » T'as entendu des affaires. Je suis allé voir auprès des témoins oculaires pour que tu comprennes bien ce qui se passe. Ce qui s'est passé, je veux dire. Les chrétiens étaient accusés de toutes sortes de choses. Il y avait des faux prophètes de toutes sortes de façons. Il y avait des gens qui étaient anti-chrétiens et qui proclamaient des choses fausses par rapport aux chrétiens, par rapport à Pierre, par rapport à Paul, par rapport à l'Église. Et je t'allais voir auprès des témoins oculaires pour que tu saches bien ce qui s'est passé. Pour que tu comprennes bien que Jésus qui a été crucifié ne méritait pas d'être crucifié. Pas à cause de ce qu'il a fait, ni à cause de ce qu'il a enseigné. Donc, Théophile, après avoir lu Luc et les Actes des Apôtres, va être une autorité plus avisée, plus sage. Elle va comprendre mieux. Qu'est-ce qui se passe? Surtout dans un contexte, hein? Vous vous souvenez, le contexte des années 60-70, c'est un contexte où l'Église est très persécutée. C'est dans ces années-là aussi qu'Israël va disparaître de la carte en tant que peuple, en l'année 70. Donc aujourd'hui, dans le chapitre 17, on est encore dans cette position où est-ce que Jésus va condamner Israël. Encore une fois, je crois que pour que vous compreniez pourquoi je prends certaines décisions par rapport à certains textes, il faut que vous compreniez le contexte plus large que juste quelques versets. Jésus est en train de condamner Israël. Parce qu'elle va le crucifier, parce qu'elle va le rejeter, parce qu'elle va le livrer aux païens pour que les autorités romaines le fassent mourir. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 4, pour commencer. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi, 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Faisons attention, mes chers amis. Prenons pas ces quelques versets-là ici, partir avec, et maintenant vouloir l'appliquer au couple, aux relations dans l'Église. Faut comprendre ici que Jésus n'est pas en train d'enseigner que maintenant il faut se pardonner les uns les autres pour avoir des belles relations. C'est quoi le but ici? Pourquoi Luc dit cela maintenant ici à Théophile? Pendant que Jésus monte à Jérusalem, on va intituler les prochaines vidéos Malheur au pluriel. Les malheurs qui vont arriver sur Israël, où Jésus dit malheur à plusieurs reprises, ou de différentes façons. Il commence par dire ceci. Jésus dit à ses disciples, Hein, il dit ça à ses disciples, à la foule qui suit. Mais on a vu, chapitre 16, il y a toujours des gens alentour qui sont les pharisiens et d'autres personnes alentour qui écoutent. Mais lui, il s'adresse à ses disciples. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Donc, j'ai intitulé la vidéo « Malheur à ceux qui causent des scandales » ou « À celui qui cause scandale ». Il dit « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. » Impossible. Ça veut dire qu'il va en arriver toujours. Il va toujours avoir des scandales dans le monde. Les scandales dont il parle ici, c'est les êtres humains. Hein? On ne parle pas de scandale autre chose que ça ici. Parce qu'on va parler du péché, de la confession, du pardon. Donc, scandale. Il dit « Malheur à celui qui est une cause de scandale. » Un scandale, dans la langue originale, c'est comme l'appât qu'on met sur un piège. C'est pas le piège, c'est l'appât. C'est quelque chose qui va faire venir l'animal, puis il va se faire prendre au piège. Ce qui attire, c'est ce qui fait, finalement, faire mourir l'animal, c'est l'appât. S'il n'y a pas d'appât, le piège sera inutile. On va voir c'est quoi le scandale dont il parle un peu plus bas. Mais les scandales vont arriver. Ils arrivent dans le monde tous les jours jusqu'à l'éternité, jusqu'à la fin du monde, je veux dire. Ils arrivent dans le monde non-croyant et ils arrivent dans le monde de croyants. Ceux d'entre vous qui êtes chrétiens, vous comprenez ça, qu'il y a encore des scandales qui nous arrivent et on est des fois des sujets de scandales. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Mais avant, il dit « Malheur à celui par qui le scandale arrive. Il serait mieux qu'il soit jeté dans la mer avec une meule de moulin. » Donc, c'est une grosse roche, une grosse meule, c'est pesant. Il dit « Il serait mieux d'être jeté dans la mer avec une meule de moulin accrochée au cou que d'être une cause de scandale. » Donc, il dit, il serait mieux que tu meurs avant de scandaliser. Imaginez-vous ce qui va arriver après qu'on soit un scandale. Imaginez-vous donc, si on serait mieux d'être mort que de causer un scandale, imaginez-vous si je le cause. Ça va être encore pire. Hein? Ça va être encore pire comme résultat. Dans notre texte ici, le scandale vise quelqu'un. Il dit « Malheur à celui qui scandalise un de ses petits. » De qui parle? C'est qui ces petits-là? Il y en a qui pensent que c'est les enfants, ceux qui sont un scandale pour les enfants. Mais ça, il faut présupposer, il faut croire qu'il y avait des enfants à l'entour de Jésus et des disciples à ce moment-là. Le mot « c'est » ici, c'est un pronom démonstratif, donc c'est quelque chose que Jésus voit, que les disciples voient. Je suis en train de parler, puis je dis « ces vaches, C-E-S, tu vas regarder alentour de toi pour voir les vaches dont je parle. » Parce que j'utilise un pronom démonstratif qui oblige à dire qu'ils sont présents, que je les vois. Quand je dis S-E-S, ça veut dire que le cultivateur et ses vaches. Ça ne veut pas dire que tu vois le cultivateur et ses vaches. Mais si je dis « ses vaches » avec « C-E-S », ça veut dire que tu peux les voir, là, ces vaches-là, celles qui sont là, là. Donc, je crois qu'il y a des gens autour de Jésus et je crois qu'il mentionne les gens alentour ici, alentour d'eux autres. Si vous êtes un scandale pour ceux qui sont autour de moi, peu importe, moi je le mettrais tous ceux qui sont autour de nous, tous ceux qu'on côtoie, hein, jour après jour. Donc, il dit, malheur à celui qui va être une cause de scandale. Comment, de quel scandale parle-t-il ici? Au verset 3, il dit, prenez garde à vous-même. Là, il parle à ses disciples. Prenez garde. Mettez-vous sous vos gardes, faites attention. Prenez garde à vous-même. Donc, écoutez bien ce que je vais vous dire là. C'est important. Vous devez vous mettre en garde contre ce qui pourrait arriver. d'avoir une meule à l'autour du cou. Gardez-vous de scandaliser un de ces petits. Là, il dit si. Là, il va expliquer c'est quoi le scandale et comment et quoi faire dans le scandale. Ils sont inévitables, les scandales. Tout le monde est un scandale, un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre. On est tous des scandales, c'est inévitable. Tu ne peux pas dire, tout le monde fait des scandales, acceptez-moi. Si je dis ça, je dis que Jésus est menteur. C'est inévitable, les scandales. Tu vas scandaliser et tu vas être scandalisé. Qu'est-ce que tu dois faire dans ce moment-là? Et là, il dit, si ton frère a péché, le sous-entendu, c'est contre toi parce qu'il le dit au verset 4. Si ton frère a péché, reprends-le. Dis-lui. Dis-lui qu'il a péché contre toi. Qu'il a fait du mal. Qu'il a enfreint la loi de Dieu. Qu'il a enfreint la moralité de Dieu. Qu'il a enfreint les principes de Dieu. Faut faire attention. Faut pas me dire maintenant, je suis un scandale parce que je m'habille en rose. Je suis un scandale parce que j'ai un automobile plus grosse que la tienne. C'est pas ça dont on parle ici. Il faut attention de ne pas être un scandale. Ça veut dire que tu vas pécher contre Dieu parce que c'est le mot péché qu'il emploie. Et le péché, c'est d'aller contre Dieu. C'est agir contre les principes de Dieu. Dis, reprends-le. Dis-lui. S'il se repent, pardonne-lui. Voyez-vous? Scandale est causé par le péché que je fais. Je fais des péchés. T'en fais-tu encore des péchés? Ben oui, tu fais encore des péchés. J'en fais encore des péchés. Même si je suis un croyant, je fais encore des péchés. Donc, je peux être un scandale pour les gens. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois reprendre l'autre pour l'aider à ne pas être un scandale. Et s'il se repent, je lui pardonne. S'il vient, puis il te le dit, pardonne-moi, je regrette, j'ai enfreint, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Tu dois lui pardonner. Faisons attention ici. Il ne dit pas maintenant qu'il faut pardonner à tout le monde tout le temps, même s'il ne demande pas pardon. Le texte ici nous dit que je dois pardonner à celui qui se repent. Donc celui qui m'a scandalisé et qui, après être repris, ne se repent pas. Il est un scandale. Malheur à lui, une pierre devrait être attachée à son cou. Il aurait été mieux d'être mort que de faire cela. Parce qu'il ne se repent pas. Quand tu lui l'as repris, quand tu lui as dit qu'il a péché. Et s'il a péché contre toi 7 fois par jour, ouais, je veux dire, c'est pas mal, je trouve, hein? 7 fois, et s'il revient à toi, remarquez bien, repentant, tu lui pardonneras les 7 fois. Faisons bien attention aussi. Il y a toutes sortes d'enseignements par rapport au pardon, mais en tout cas, dans ce texte-là, si c'est clair, si quelqu'un vient à toi et qu'il se repent, même s'il viendra 10 fois dans la même, ou 7 fois dans la même journée, tu dois lui pardonner. Si tu ne lui pardonnes pas, c'est toi qui es un scandale pour lui. Si quelqu'un pêche contre toi et qu'il ne se repent pas après que tu l'as averti, il est un scandale pour toi. Mais si toi, tu ne lui pardonnes pas, tu es un scandale pour lui. Et tu mérites plus qu'une pierre attachée à ton cou. Tu mérites la condamnation éternelle. Il faut bien l'appliquer à notre contexte plus large. Donc Israël, qui ne veut pas se repentir à l'appel de Jésus, Jésus l'a averti. Jean-Baptiste l'avait averti. La loi, les prophètes l'avaient averti. Tu as péché, tu as abandonné ton Dieu. Tu as péché contre ton Dieu. Repens-toi. Il va te pardonner. Même si tu as péché contre Dieu 7 fois, Dieu va te pardonner. S'il te demande à toi de pardonner 7 fois, Ben lui est capable de te pardonner aussi cette fois, bien entendu. Encore bien plus. Donc le scandale ne sera pas finalement la cause de ma destruction ou de ma mort spirituelle et éternelle. C'est le fait que je n'ai pas voulu me repentir quand quelqu'un m'a dit que j'avais péché. Ou que je n'ai pas pardonné à quelqu'un qui s'est repenti. Voyez-vous? C'est ça le texte nous enseigne ici. La repentance et le pardon. Donc, si je ne me repens pas, je ne serai jamais pardonné, ni par les hommes, ni par Dieu. Si je ne pardonne pas, je ne serai pas pardonné non plus par Dieu, ni par les hommes. Car moi, je suis aussi pécheur ou un sujet de scandale. Jésus est l'envoyé de Dieu pour le reprendre, pour reprendre Israël, afin qu'Israël se repente. Et elle n'a pas voulu se repentir. La preuve, c'est qu'elle va faire mourir Jésus dans quelques jours. Elle va le crucifier par la main des Romains. Donc imaginez-vous, Luc qui dit ça à Théophile, il dit « Théophile, avec ce genre d'enseignement-là, penses-tu que Jésus est un révolutionnaire, un anarchiste, quelqu'un qui soulève les peuples contre l'Empire romain? Ben non, avec un tel enseignement, si tout le monde le mettait en pratique, il n'y aurait pas de problème. Là. Le problème, ce n'est pas qu'on fasse des péchés, on en fait. Le plus gros problème, pour des pécheurs, dès qu'on soit dans l'éternité, dans les nouveaux cieux, nouvelle terre, on ne pécherait plus. Donc, la repentance et le pardon, ça ne serait plus nécessaire. Mais ici-bas, la chose la plus importante, ce n'est pas d'essayer d'arrêter de pécher. Tu n'y arriveras pas. Mais c'est de te repentir quand tu pèches et de pardonner quand on a péché contre toi. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Notre bon Père du ciel, oui, on a été des scandales, on va l'être jusqu'à la fin de notre vie. Merci que tu nous dis que quiconque se repent va être pardonné. Quiconque se repent va être pardonné par les hommes et par Dieu. C'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen.